Le rassemblement au niveau central consacré au 20e anniversaire de l'initiative prise par le général Kim Jong-il pour le mouvement de la campagne de mobilisation générale destinée à l'entretien du territoire national a eu lieu le 10 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Park Bong-joo, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et premier ministre de la République populaire démocratique de Corée, et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les officiels des organismes des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les fonctionnaires et les travailleurs des établissements et entreprises de la ville de Pyongyang. Dans son rapport, Park Bong-joo a dit que le général a publié le 11 août de l'an 85 du juste 1996 l'œuvre classique pour une nouvelle tournure de l'administration du territoire national et y a précisé les idées originales pour livrer la campagne d'aménagement du territoire national comme travail de tout le parti et de toute la société, et que c'est un événement important qui a opéré un tournant décisif dans l'aménagement et l'entretien du territoire du pays. Il appelait tous à défendre fermement et faire briller les idées du général Kim Jong-il pour l'aménagement du territoire national et ses exploits, et à redynamiser le mouvement de mobilisation générale pour l'entretien du territoire national sous la direction imminente du camarade Kim Jong-un, afin d'aménager notre pays et notre patrie en paradis du peuple.